Cette signalisation positionne le passage piéton que j'aperçois. Le panneau de présignalisation qui annonce un passage pour piétons est différent. Il est représenté par un signal de danger comme celui-ci. Pour annoncer une succession de passages piétonniers, un panonceau détendu accompagnera le panneau de danger comme ceci. Réponse A.